Il était occasionné par les contrastes qui régnaient entre ses souvenirs et les discours qu'elle entendait. Les uns lui présentaient son cousin sous la figure d'un enfant charmant et aimable, plein de grâce et de douceur. Les autres le lui peignaient comme un guerrier couvert de sang, et se plaisant dans toutes les horreurs des combats les plus cruels et les plus acharnés. Jusqu'alors, elle avait pris plaisir à songer au temps où elle reverrait l'ami de son enfance, et involontairement, elle le revoyait tel qu'il l'avait quitté. Cette illusion était devenue désormais impossible, et la douleur qu'elle en éprouva la rendit rêveuse, mélancolique et parut affecter sa raison. Telle était la situation d'Éléonore, quand une personne longtemps étrangère au château vint se fixer dans les environs, ce qui causa une grande sensation parmi ses habitants. La veuve Sandal, mère du jeune marin, qui jusqu'alors avait vécu dans l'obscurité de la modique pension que Sir Roger lui avait léguée, à la condition qu'elle ne paraîtrait jamais au château, arriva tout à coup à Shrewsbury, qui n'en était qu'à environ un mile, et annonça son intention d'y établir sa résidence. L'amour de son fils avait répandu sur elle, avec la prodigalité d'un marin et la tendresse d'un enfant, toutes les récompenses de ses services, excepté sa gloire, à laquelle, cependant, elle eut quelque part. Et la veuve des douleurs revint fixer sa demeure près de l'antique château de ses ancêtres, jouissant d'une certaine aisance, et connue partout comme la mère du jeune héros, honorée de la faveur royale. Dans ce siècle, chaque démarche des membres d'une famille devenait l'objet des graves consultations de ceux qui s'en regardaient comme les chefs. En conséquence, une espèce de chapitre fut tenu au château de Mortimer quand on y reçut l'avis du singulier déplacement de la veuve Sandal. Le cœur d'Éléonore palpita vivement pendant la consultation. Il se calma cependant quand il fut décidé que l'effet de la sentence sévère de Sir Roger ne devait pas s'étendre au-delà de sa vie, et que jamais un descendant de la maison de Mortimer ne devait vivre négligé à l'ombre de ses murs. Une visite fut donc rendue avec cérémonie et reçue avec reconnaissance. Mademoiselle Anne témoigna beaucoup de noble courtoisie à sa nièce, qu'elle appelait cousine, selon la coutume du temps, et celle-ci montra l'humilité et la tristesse convenables. Elles se séparèrent presque contentes l'une de l'autre, et la liaison qui venait de se former fut soigneusement entretenue par Éléonore. Dans les commencements, elle allait faire à sa tante une visite respectueuse une fois par semaine. Elle ne tarda pas à s'y rendre tous les jours, guidée par l'habitude de l'amitié. L'objet des pensées de toutes deux n'était cependant le sujet des discours que d'une seule. Et comme il arrive assez souvent, celle qui ne disait rien sentait le plus vivement. Les détails des exploits de son cousin, la description de sa personne, le souvenir de tout ce qu'il promettait dans son enfance, promesses que sa jeunesse avait remplies, formaient des sujets de conversation bien dangereux pour celle qui les écoutait, puisque son nom seul lui causait une émotion qu'elle avait de la peine à vaincre. La fréquence de ses visites ne diminua pas, quand le bruit commença à se répandre que le capitaine Sandal projetait un voyage aux environs du château. Sa mère paraissait ajouter foi à ce bruit, moins parce qu'il était probable que parce qu'il était conforme à ses espérances. Un soir d'automne, Éléonore, accompagnée seulement de sa femme de chambre et d'un domestique, se mit en route pour aller voir sa tante. Il existait un sentier dans le parc qui conduisait à une petite porte donnant sur le faubourg même où la veuve Sandal demeurait. En arrivant chez elle, Éléonore apprit que sa tante était sortie et qu'elle devait passer la soirée chez une de ses amies en ville. Éléonore hésita pour un moment, puis s'étant rappelé que cette amie était la veuve d'un guerrier de Cromwell, du reste riche, d'une conduite irréprochable, généralement respectée, et qu'elle ne lui était point inconnue, elle résolut d'y suivre sa parente. En entrant dans la salle, qui était vaste, mais mal éclairée, par une fenêtre étroite et antique, elle fut étonnée d'y trouver beaucoup plus de personnes qu'elle n'avait attendues. Quelques-unes d'entre elles étaient assises, mais le plus grand nombre étaient rassemblées dans la fenêtre, et Éléonore y distingua un jeune homme d'environ 18 ans, tenant dans ses bras un enfant charmant qu'il caressait avec une tendresse plutôt fraternelle que protectrice. La mère de l'enfant, fière de l'attention qu'on lui prodiguait, faisait néanmoins les excuses d'usage en exprimant la crainte qu'il ne fût importun. « Importun ! » s'écria le jeune homme du son de voix le plus séduisant. « Oh non ! Si vous saviez combien j'aime les enfants, comme il y a longtemps que je n'ai eu le bonheur d'en caresser, et combien peut-être il s'écoulera de temps avant... » Il détourna la tête et la pencha sur l'enfant. La chambre était, comme je viens de vous le dire, fort mal éclairée, mais dans ce moment les derniers rayons du soleil couchant, s'introduisant par la fenêtre, tombèrent sur ce groupe intéressant. Éléonore était assise dans un coin plus obscur que le reste. Elle vit alors distinctement des traits que son cœur avait reconnus avant ses yeux. Les cheveux du jeune homme, du plus beau châtain, retombaient en profusion sur son sein et cachaient la figure de l'enfant. Son costume était celui d'un officier de marine, richement galonné, et décoré de la croix d'un ordre étranger. L'enfant jouait avec la brillante décoration, et puis levait les yeux comme pour les reposer dans le sourire de son jeune ami. Le doux charme de l'enfant était d'une part en rapport avec la beauté de celui qui le caressait, tandis que de l'autre, il offrait un contraste avec sa figure élevée et héroïque, ainsi qu'avec les ornements de ses habits, qui étaient tous deux des emblèmes de péril et de mort. Éléonore crut voir l'ange de la paix se reposant sur le sein de la valeur et lui disant que ses travaux avaient cessé. Elle fut tirée de sa rêverie par la voix de sa tante qui lui dit « Ma nièce, voici votre cousin John Sandal. » Éléonore tressaillit, et quand son cousin, qui venait de lui être présenté d'une manière si soudaine, s'avança pour l'embrasser, elle éprouva une émotion qui la priva à la vérité de ces grâces du maintien avec lesquelles elle aurait dû recevoir un étranger aussi distingué, mais qui lui donna en place celle plus touchante de la pudeur. John Sandal s'assit à ses côtés, et au bout de quelques instants, la mélodie de ses accents, la douce facilité de ses manières, le sourire enchanteur qui se peignait alternativement dans ses yeux et sur sa bouche, la mirent entièrement à son aise. Elle aurait voulu parler, mais elle gardait le silence pour écouter. Éléonore aspirait du poison par tous ses sens. Son cousin, en parlant, s'était permis de lui prendre la main, et elle ne s'en était pas aperçue. Il parlait beaucoup, mais ses discours ne roulaient pas sur la guerre ou sur les scènes dont il avait été témoin, et auxquelles la moindre allusion de sa part aurait donné de l'intérêt, de la grandeur. Il n'était question que de son retour dans sa famille, de la joie qu'il éprouvait en revoyant sa mère, et de l'espoir qu'il nourrissait de se voir bien accueilli au château. Il demanda avec une tendre affection des nouvelles de Marguerite, et s'informa respectueusement de la santé de mademoiselle Anne. En parlant de ses parents, il fit usage d'expressions qui marquaient que son cœur l'avait devancé de longtemps auprès d'elle. Éléonore aurait pu l'écouter éternellement, mais la soirée qui avançait lui rappela la nécessité de retourner au château, où les heures étaient fort strictement gardées. John Sandal lui ayant offert de l'accompagner, elle n'eut plus même de prétexte pour vouloir rester. Quoiqu'il fût déjà très obscur dans le salon qu'il quittait, les riches teintes du crépuscule doraient encore l'horizon quand ils se mirent en route pour le château. Éléonore suivit le sentier qui traversait le parc. Et absorbée dans ses nouveaux sentiments, elle fut pour la première fois insensible aux beautés de la nature, jusqu'à ce que son attention fût réveillée par les exclamations de son compagnon, ravi de tout ce qui s'offrait à ses regards. Cette sensibilité naturelle dans un homme qu'elle croyait endurci par des scènes d'horreur et de carnage la toucha vivement. Elle s'efforça d'y répondre, mais elle en fut incapable. Se rappelant la facilité qu'elle éprouvait à en chérir même sur l'admiration qu'elle entendait exprimer des beautés de la nature, elle s'étonna du silence forcé qu'elle gardait, et ne put en deviner la cause. À mesure qu'ils approchaient du château, le tableau augmentait en richesse. Le vaste édifice était enseveli dans l'ombre. Ses tours, ses terrasses, ses créneaux n'offraient qu'une masse indistincte et sombre. les montages éloignés dont les sommets empeints de sucre se dessinaient fortement sur un ciel d'azur, conservaient seuls une teinte de pourpre si brillante que l'on eût dit que la lumière de n'ait quitté qu'un regret et leur laissait un gage d'un retour prompt et glorieux. Les bois qui entouraient le château étaient sombres comme lui. Un rayon doré tremblait de temps à autre sur leur sommet touffu. Tout à coup, une clairière donna passage à un torrent de lumière qui changea pour un moment en émeraude chaque brin d'herbe qu'il toucha. Il ne dura qu'un instant et s'évanouit. L'effet en fut si prompt qu'Éléonore eut à peine le temps de jeter un cri d'étonnement et d'étendre la main vers ce tableau enchanteur. Elle leva les yeux vers son compagnon, assuré d'y trouver un sentiment correspondant au sien. Il avait aussi remarqué cet effet de lumière. Mais il ne fit aucun mouvement. Il se contenta de sourire avec une expression angélique. Tant qu'Éléonore vécut, ce sourire de la scène qui y avait donné lieu restèrent gravés dans son cœur. Ils ne parlèrent plus pendant le reste de leur promenade. Mais leur silence fut plus éloquent que des paroles. Il était à peu près nuit close quand ils arrivèrent au château. Mademoiselle Anne reçut son jeune neveu avec une cordialité grave et une tendresse mêlée d'orgueil. Marguerite l'accueillit plutôt comme un héros que comme un parent, et John, après les premières cérémonies, se tourna vers Éléonore pour se reposer dans son sourire. Ils étaient entrés comme le chapelain allait lire les prières du soir. Usage qui était si strictement observé au château que même l'arrivée d'un étranger n'y mettait aucun obstacle. Éléonore attendait ce moment avec une inquiétude toute particulière. Elle avait de profonds sentiments de religion, et malgré la sensibilité que le jeune héros avait déployée, elle craignait que la dévotion compagne d'une vie solitaire et méditative ne se fût tenue éloignée du cœur d'un marin. Ses craintes ne tardèrent pas à se dissiper quand elle observa le sentiment profond, mais silencieux, avec lequel John participa à la cérémonie de famille. Rien n'élève plus l'âme que la vue de la piété dans un homme. Les sens et le cœur sont touchés à la fois en voyant cette noble figure qui jamais n'a fléchi devant son semblable, s'abaisser jusqu'à terre devant Dieu. On croit avoir l'image terrible de toute la force et de toute l'énergie physique pliant sous le doigt de la divinité. Éléonore oublia sa prière en le regardant, et quand ses mains blanches, qui ne paraissaient point faites pour tenir des armes meurtrières, se joignirent pour s'élever vers le ciel, se quittant de temps à autre pour séparer les boucles de cheveux qui ombrageaient son front, elle s'imagina voir réunie en lui la force et la pureté d'un habitant des demeures célestes. Quand la prière fut achevée, Mademoiselle Anne, après avoir répété le compliment de bienvenue qu'elle avait fait à son neveu, ne put s'empêcher d'exprimer sa satisfaction de la dévotion qu'il avait montrée. Mais elle y mêla une teinte d'incrédulité sur la sincérité des sentiments religieux dans un homme accoutumé aux travaux et aux périls. John fit un salut respectueux à la partie flatteuse de ce discours, puis, rougissant, il ajouta « Ma chère tante, pourquoi penseriez-vous que ceux qui ont le plus besoin de la protection du Tout-Puissant le négligent ? Ceux qui sillonnent les mers dans de frêles vaisseaux sentent mieux qu'aucun autre que les vents et la tempête ne font qu'exécuter la volonté divine. Un marin sans foi et sans espérance en Dieu est plus malheureux qu'un marin sans boussole ou pilote. » Il parlait avec cette éloquence qui porte la conviction avec elle. Mademoiselle Anne lui tendit la main blanche, mais ridée, pour qu'il y imprimât un baiser. Marguerite en fit autant, de l'air d'une héroïne à son chevalier. Éléonore détourna la tête et versa de délicieuses larmes. Quand on cherche à découvrir des perfections dans une personne, on est toujours sûr de les y trouver. Mais Éléonore n'avait pas besoin d'emprunter des couleurs de son imagination pour faire un tableau charmant de l'homme qui avait touché son cœur. Son caractère et son humeur se développèrent par degrés, ou plutôt ils furent développés par des causes extérieures et accidentelles. car une timidité presque féminine ne lui permettait pas de beaucoup parler, et surtout de lui-même. Ce désir de trouver des qualités dans l'objet que nous aimons sert de preuve que l'amour est un sentiment qui ennoblit l'âme, et que, quoique son cours puisse être troublé, sa source au moins est pure. Celui qui l'éprouve avec force possède une énergie qui sera récompensée un jour par une flamme plus pure et plus sainte que la terre n'en saurait offrir. Depuis l'arrivée de son fils, la veuve Sandal témoignait une inquiétude dont la cause restait inconnue. On la voyait fréquemment au château, elle ne pouvait se dissimuler l'attachement mutuel de John et d'Éléonore, et sa seule pensée était de prévenir une union contraire aux intérêts de son fils, et qui devait diminuer sa propre importance. Elle avait obtenu par des voies indirectes la connaissance des dernières volontés de Sir Roger, et toutes les forces de son âme, plus rusées qu'énergiques, se dirigèrent vers la réalisation des espérances que ses volontés lui offraient. Le testament de Sir Roger était singulier. Malgré sa colère contre sa fille, il avait stipulé que si son petit-fils Sandal épousait sa cousine Marguerite, il hériterait de tous ses biens et que les honneurs de la maison de Mortimer passeraient sur sa tête. Si, au contraire, il épousait sa cousine Éléonore, il ne devait recevoir sur la succession que 5 000 livres sterling, et dans le cas où il n'épouserait aucune de ses deux parentes, Sir Roger laissait toute sa fortune à un parent éloigné du nom de Mortimer. Mademoiselle Anne, prévoyant l'effet que pourrait avoir sur la famille cette opposition de l'amour avec l'intérêt, aurait voulu que le testament restât secret. Mais Mistress Sandal l'avait découvert par les domestiques du château, et dès ce moment son esprit ne cessa de travailler. Elle avait trop connu les privations pour ne pas désirer vivement un changement dans son sort. Et le souvenir qu'elle conservait des distinctions dont elle avait joui dans sa première jeunesse la portait à tout risquer pour les recouvrer. Elle éprouvait une jalousie féminine que rien ne pouvait apaiser, du respect qui environnait Mademoiselle Anne ainsi que la belle et noble Marguerite. Elle errait autour des murs du château, semblable à une âme malheureuse qui gémit en attendant la sépulture, et qui ne prévoit de repos que quand elle l'aura obtenu. À ces sentiments se joignait l'ambition d'une mère qui songeait que son fils, par le choix qu'il ferait, obtiendrait un noble héritage, ou ne jouirait que d'une fortune médiocre. Aussi le résultat ne pouvait-il en être douteux, et la veuve Sandal, résolue de parvenir à ses fins, éprouva peu de scrupules quant aux moyens. Le besoin et l'envie lui avaient donné un désir insatiable d'honneur, et les fausses religions qu'elle avait tour à tour adoptées lui avaient inspiré tous les détours de l'hypocrisie. Dans une vie pleine de vicissitudes, elle avait connu le bien et choisi le mal. La veuve Sandal résolut donc de poser un obstacle insurmontable à l'union des deux amants. Cependant, Mademoiselle Anne se flattait encore que le testament de Sir Roger n'était point connu. Elle s'apercevait du sentiment profond qui paraissait unir les cœurs de John et d'Éléonore. Et avec des idées moitié généreuses, moitié romanesques, car Mademoiselle Anne avait eu beaucoup de goût dans sa jeunesse pour les grands coups d'épée qui plaisaient tant à Madame de Sévigné, elle ne croyait pas que leur bonheur pût être sensiblement altéré par la perte des terres, des immenses richesses et des titres anciens de la famille de Mortimer. Ce n'est pas qu'elle ne mit un grand prix à ces distinctions, chères à tout homme élevé, mais elle en mettait un plus grand encore à l'union sympathique des cœurs et des âmes qui cherchaient la félicité en foulant aux pieds les trésors. Le jour était fixé pour le mariage de John et d'Éléonore. Les habits de noces étaient préparés. Les nobles et nombreux amis de la famille étaient invités. La grande salle du château était décorée avec magnificence. Déjà les cloches de la paroisse sonnaient un joyeux carillon. Les valets de pied, en livrée bleue, avaient orné leurs boutonnières de faveur et s'occupaient à garnir la coupe du wassail, destiné à être plus d'une fois rempli et vidé. Mademoiselle Anne tira de sa propre main, d'une armoire d'ébène, une robe de velours et de satin qu'elle avait portée au mariage de la princesse Élisabeth, fille de Jacques Ier, avec le prince Palatin. L'héritière s'avança aussi, parée avec magnificence, mais on remarqua que ses belles joues étaient plus pâles encore que celles de la mariée, et le sourire, qui pendant toute la matinée ne quitta pas un instant ses lèvres, semblait être plutôt un effort de courage qu'une marque de bonheur. La veuve Sandal avait paru fort agitée et était sortie de bonne heure du château. Le marié n'avait pas encore paru, et la compagnie, après l'avoir attendu pendant quelque temps en vain, se mit en route pour l'église, ne doutant pas que dans son impatience, il ne l'y eût devancé. Le cortège fut magnifique et nombreux. La famille de Mortimer avait réuni ce soir-là toutes les personnes qui aspiraient à l'honneur de sa connaissance. Et telle était la pompe féodale qui accompagnait à cette époque un mariage dans une famille illustre, que les parents les plus éloignés s'étaient rendus de 20 lieues à la ronde au château, et offraient comme une armée d'amis magnifiquement parés pour assister à la grande cérémonie. La plus grande partie de la société, sans en excepter les femmes, était à cheval, ce qui ajoutait encore à la tumultueuse magnificence de la procession. On voyait un petit nombre de lourdes voitures, d'une forme très incommode, mais surchargées de dorures et de peintures, et dont les amours sur les panneaux avait été retouchée pour cette occasion. La mariée fut posée sur son palefroid par deux pairs du royaume. Marguerite était auprès d'elle avec un cortège galant, et mademoiselle Anne fermait la marche, glorieuse de voir encore disputer l'honneur de lui offrir la main. On eût dit qu'elle était revenue au jour du mariage de la princesse Palatine. On arrive à l'église. La mariée, les parents, la noble compagnie, le pasteur, tous s'y trouvaient, excepté le marié. Il y eut un long et pénible silence. Quelques gentilshommes sortirent en diverses directions pour aller à sa rencontre. L'ecclésiastique resta à l'hôtel jusqu'à ce que, fatigué d'attendre, il se décida à se retirer. La foule des domestiques, jointe aux habitants des villages voisins, remplissait le cimetière. Leur acclamation ne cessait point. Éléonore, accablée de chaleur et d'inquiétude, demanda la permission de se retirer pour un moment dans la sacristie. Mademoiselle Anne y guida les pas chancelants de la mariée et la conduisit vers une fenêtre ouverte, en essayant de détacher son voile de dentelle. Éléonore s'approche pour respirer un air plus pur. Tout à coup, elle entend le bruit du galop d'un cheval. Elle lève machinalement les yeux. C'est Sandal. Il jette un regard d'horreur sur la mariée plus morte que vive. Pique des deux et disparaît en un moment.